y est, c'est reparti, c'est le mois de juin, on est le premier, il est 20h et vous êtes bien sur SingSaver.com. Salut Fabien. Salut Laurent. Comment ça va? Bah ça va très bien, il fait de nouveau beau dehors. Tu m'étonnes, et en plus ce mois de juin annonce plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, comme le 21 hein, par exemple hein, seulement. C'est-à-dire l'été? Ouais, c'est-à-dire la fête de la musique. Ouais, surtout, mais ça on va vous en reparler beaucoup plus tard dans l'émission. Oui. Qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? Eh ben, on a au programme, comme d'habitude, plein de groupes qui nous ont envoyé leur musique par l'intermédiaire d'Internet. Des groupes en autoproduction qui veulent être découverts, donc qui passent par nous. Vous pourrez découvrir ce soir Twice, vous allez découvrir La Rue, vous allez découvrir Moi Je, et surtout, le gros morceau de l'émission, vous allez découvrir Aymeric Charnot en interview. N'est-ce pas Laurent? Tout à fait, tout à fait. Et on commence avec quoi Fabien? On commence avec Draft et un titre qui s'intitule Conditional by Pain. Youhou! Salut, moi c'est Homer. J'écoute l'émission sur SingSaver.com. We'll Draft littéralement au premier jet, a commencé en mars 97. Au départ, il y avait John et Mathieu, l'un à la batterie, l'autre à la guitare. Le groupe s'est enrichi au bout de quelques mois de Kevin en février 98 exactement, qui joue de la basse, Kevin. Et le quatrième, puisqu'ils sont quatre et dernier arrivé, c'est Jean-Marc, le chanteur qui les a rejoints en juin 99. Donc après de longs mois enfermés dans leur local, Draft nous présente la quintessence de leurs morceaux, puisqu'ils vont bientôt sortir un album. Et le titre qu'on vous a fait découvrir parle sur le www.sinsaver.com, c'était Conditional by Pain. Et voilà, il se passe quelque chose et je suis encore pas au courant. C'est quoi Laurent, vas-y, annonce la couleur. Il se passe que nous recevons un invité. Un invité qui se joint à nous pour animer jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez l'entendre en fond sonore. Ouais, alors avec le fond c'est déjà pas mal. Car le sonore, je vous l'imaginais même pas. Je vous présente Christophe. Bonjour à tous. Voilà, Christophe qui parle très légèrement dans son micro. Exactement. Il reste discret. Ouais, on fait presque une émission religieuse avec toi là. Parfaitement, messieurs. Ouais, il manque plus que la croix au-dessus de sa tête. Parfaitement. On enchaîne avec quoi, Fabien ? On enchaîne avec un groupe qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui sur le www.sincere.com, un groupe qui s'appelle Amada Blam. C'est une formation de 5 personnes qui se disent loin des modes, avec des vrais instruments. Enfin, ils nous expliquent qu'ils jouent avec des vrais instruments, donc comprendre qu'ils ne jouent pas d'instruments électroniques. C'est un groupe qui nous propose des morceaux tout en nuances, surtout instrumentaux, qui nous font découvrir une ambiance plutôt rock. Amada Blam, qui vient de sortir son premier CD entièrement autoproduit, avec 8 compositions et une partie CD-ROM. Tout de suite, on vous fait découvrir leur premier titre, comme avant. Sinsaver.com, c'est votre musique. Comme avant. www.sinsaver.com. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. C'est votre musique. Le café est prêt, mon amour. Tu n'as plus qu'à appuyer sur les cafetières, mon amour. Tu n'as plus qu'à te préparer. Tu pars pour toute la journée, ça me semble une éternité. Je regarde par la fenêtre, je n'ai plus l'âme d'un poète. À mes pieds coule l'Isère. On est loin de la canebière. Heureusement, il y a des canards qui squattent juste en face des vendeurs. Des vendeurs de pâtes. Le café est prêt, mon amour. Tu n'as plus qu'à appuyer sur la cafetière, mon amour. Tu n'as plus qu'à te préparer. Encore de la neige qui tombe, j'y mettrai bien une petite bombe, histoire de me réchauffer. J'en ai marre de me les geler. Je vais encore faire le guignol en m'attendant pour la farandole. J'ai tellement besoin de rire, j'ai peur qu'on me voie, qu'on me voie souffrir. On me voit souffrir. Ah ! Le café est prêt, mon amour. Peut-être que je reviendrai un jour. Mais le monde ne fait que me baisser. Je pars pour ne pas sombrer. Café est prêt, mon amour. Peut-être que je reviendrai un jour. Mais le monde ne fait que me blesser. Je pars pour ne pas sombrer. Le café est prêt, mon amour. Le café est prêt, mon amour. Le café est prêt, mon amour. Le café est prêt, mon amour. Moi, j'écoute l'émission sur sinsaver.com. C'était Le Café est prêt, mon amour, de la rue que vous pouvez retrouver dans un album 10 titres qu'ils ont enregistré en décembre 1999. Si vous voulez plus d'infos sur ce groupe et sur les chansons qu'ils ont enregistrées, vous tapez le www.sinsaver.com. Ouais. Maintenant, c'est à Christophe d'intervenir. Vas-y, mon petit. Ah, super, c'est à moi. Maintenant, on va parler de Aymeric Charnot. C'est un petit coup de cœur que j'ai. Moi, j'aime bien leur musique. En plus, c'est moi qui ai réalisé l'interview. Alors, plutôt que d'en parler nous-mêmes, on va les laisser nous dire un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font, dans une super interview exclusive de sinsaver.com. Et on va également écouter leur titre qui s'intitule « Chez elle ». L'émission, c'est votre musique sur www.sinsaver.com. Sinsaver.com. Se resserre. Je connais un endroit sûr qui m'est toujours ouvert. Et ce soir je vais chiser, on va refaire le monde. Je vais chiser, je vais chiser, on va refaire le monde. Je vais chiser. Changement d'atmosphère, maison de lavandière, s'il y a des fleurs dans l'air, je suis si bien accueilli. Quoi de biscuit, j'ai un peu honte, c'est clair. Et souvent je promets de bientôt prendre soin d'elle. Elle sourit, me connaît, tu as déjà mille chandelles. On va refaire le monde. Je vais chez elle. Je vais chez elle. On va refaire le monde. Je vais chez elle. Autour d'une tasse de thé, sur la belle toile cirée, on se raconte nos misères. On regarde des feuilletons débiles en mangeant des glaces vanille. Et puis quand on digère, on allume des bougies et le cœur à ciel ouvert. On parle de l'ancien temps et on refait nos vies. Et ce soir je vais chez elle, on va refaire le monde. Salut, c'est Aymeric Charnot et vous nous écoutez sur synthsaver.com. Salut Aymeric, présente-nous l'équipe. Voilà, on est un groupe de 6 musiciens. Alors il y a moi en fait qui écris les textes et les musiques et qui chante et qui suis à la guitare acoustique. On a Claude Imbeau à la guitare électrique, John Chamir à la batterie, Benoît Martin au saxo, clarinette et un peu de clavier. Et puis il y a José Florentin qui vient de nous rejoindre et qui a pris la place du choriste. Quel est votre style de musique ? Alors on fait de la chanson française, du genre variété. J'ai vu sur le net qu'on nous associe en fait pas mal à Goldman. J'ai remarqué ce parallèle assez souvent. Je l'avais mis en référence, mais bien évidemment toute proportion gardée, parce qu'on fait difficilement mieux dans le domaine. Ça c'est pour le genre de musique. Et puis au niveau de ma photo qui passe, enfin qui est un petit peu partout sur le net, on m'associe pas mal à Alain Bashung. Alors ça, je sais pas si, je pense que ça doit être l'angle de la photo qui doit faire ça a priori. Voilà. Quand as-tu commencé? Alors j'écris des chansons depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé tout ce qui était spectacle depuis que j'étais tout petit. Je faisais des spectacles théâtre, magie, je m'enregistrais en train de faire des émissions de radio. Et puis peu à peu, enfin, on m'a prêté des. J'avais fait un peu de piano, j'avais souvent chez moi un synthétiseur et j'ai commencé comme ça en fait, à faire des petites chansons et en fait j'ai jamais arrêté. Et puis aujourd'hui, il y a un bon petit répertoire et puis on a concrétisé ça avec tous les musiciens. que j'ai rencontré en fait suite à l'autoproduction d'un premier CD, parce que j'avais des amis qui m'avaient poussé pour m'aider à me faire connaître en fait, en dehors de faire des cassettes chez moi, faire mes petites maquettes sur 4 pistes, m'enregistrer plus sérieusement et produire un peu sérieusement un premier CD 4 titres. Puis suite à ça, on a voulu concrétiser sur scène, donc il me fallait des musiciens. Et c'est là que j'ai rencontré John, le batteur. Et puis il y avait Claude qui était déjà avec moi, guitariste en fait. Lui, j'avais rencontré sur une première expérience où je jouais du clavier en fait pour un autre chanteur. Et puis donc John et Claude sont là depuis le début. Et puis ensuite, il y a Farid, le bassiste, qui nous a rejoint. Et plus récemment, Benoît au saxophone et José au chœur. Donc on peut dire que la formation est vraiment définitive depuis un an et demi, et puis existe depuis deux ans et demi en fait. Quelles sont vos influences ? Alors les influences dans la chanson française, bon, c'est indéniable Jean-Jacques Goldman. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui commence à faire beaucoup de bruit, enfin qui en avait déjà fait pas mal, mais qui en refait énormément, c'est De Palmas, dont le dernier album je trouve excellent. Comme chanteur francophone aussi, mais pas français, canadien, j'aime beaucoup Richard Séguin. Alors c'est un des rares dans toute l'invasion canadienne qu'on voit pas du tout en France, qui est passé en concert genre il y a 2 ans, mais de manière anonyme, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, genre en fait musique américaine avec paroles françaises, mais mélange réussi, quoi. Ça j'aime beaucoup. Je suis aussi un inconditionnel de Cabrel, c'est pas très original de le dire pour l'écriture et l'évolution dans les albums, quoi. C'est de plus en plus précis, pointu, et bien arrangé et bien écrit au fur et à mesure des albums. J'aime beaucoup, grande référence. Donc voilà, ça c'est les gens en fait à qui je peux essayer de m'identifier, toute proportion gardée. Et puis après j'aime des choses un peu plus diversifiées, comme Thomas Fersen par exemple, qui est beaucoup plus jazzy, mais qui a aussi une écriture super. Il y a pas mal de gens qui me plaisent bien, mais c'est les premiers noms en fait qui m'auraient le plus inspiré si je devais donner des gens qui sont mes référents. Vous avez des projets ? Pour ce qui est des projets, et ben en fait c'est d'essayer de se faire connaître au maximum via Internet, parce que c'est vraiment actuellement un médium qui touche beaucoup de monde et qui est pas encore censuré, où n'importe qui peut avoir la parole et toucher un grand nombre de personnes sans rentrer dans des frais de promotion, d'affiches, de tout ça. Enfin bon, là, on a libre parole et on peut toucher beaucoup de monde. Qui veut venir nous voir, nous écouter, vient. Et puis, on peut aussi frapper à la porte des gens via tous les forums. Et ça, c'est vraiment maintenant qu'il faut saisir cette opportunité, quoi. Et tous les gens qui essayent de se faire connaître de par ce qu'il faut artistiquement devraient prendre le même chemin et s'orienter vraiment, vraiment sur Internet pendant qu'on peut encore, quoi. Donc voilà, se faire connaître de cette manière-là. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec Sophie, qui s'occupe de nous faire connaître sur le net via tous les sites qui hébergent de la musique, à savoir France MP3, Generasound, People Sound, tout un tas de sites. Et ça commence un petit peu à porter ses fruits, puisque on commence à nous contacter, à nous écrire, à nous dire qu'on aime, qu'on n'aime pas. On a même des insultes, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'au moins on touche les gens. Voilà. Et puis suite à ça, ben on veut tourner. On veut tourner sur la région parisienne ou en province. Enfin, voilà, pouvoir faire écouter notre répertoire. Et niveau matos, vous avez quoi ? Au niveau du matériel, ben, on a le matériel des musiciens. Chacun ses instruments. Le saxophoniste a ses saxos, ses clarinettes. Moi, j'ai ma guitare. Le guitariste a sa petite guitare pivet, son multi-effet Boss. Le batteur a sa batterie Yamaha, n'est-ce pas? On fait pas de pub. Et le bassiste a sa basse Tune. Et puis avec ça, on est prêt pour aller sur n'importe quelle scène qui voudra nous accueillir et qui aura une bonne petite sono. Ce soir je suis fatigué, mais dès demain je déciderai. Que penses-tu de la radio du net? Vivre à crédit. Pour ce qui est de la radio du net, je sais pas quel est vraiment le potentiel d'évolution des radios du net. Ce qui est sûr, c'est que il faut faire un max de pub pour que les internautes qui ont l'habitude de surfer beaucoup, bah, pendant qu'ils surfent, rien ne les empêche d'écouter de la musique, et tant qu'à faire, au lieu d'écouter leur programmation qu'ils ont téléchargée, écouter ce que proposent les radios pour s'ouvrir un petit peu, parce que c'est surtout fait pour ça. Internet, c'est fait pour s'ouvrir, quoi. C'est l'information. Donc dans le domaine artistique aussi, connaître des nouvelles choses. Donc je pense que c'est la principale raison d'être de ces radios, plus que de passer des choses qu'on entend déjà sur n'importe quelle radio qui sont très faciles d'accès. Je pense que le rôle de ces radios, c'est de faire connaître des choses qu'on ne peut pas entendre ailleurs, quoi. Et de sinsever.com? Donc il est évident que des sites comme sinsever.com, bah, ça doit être là. Facile d'accès, comme c'est le cas, à l'affût de tout ce qui peut bouger, à l'affût de tous les nouveaux artistes qu'on connaît pas et qui ont envie de les faire connaître parce qu'ils aiment bien ou parce qu'ils pensent que ça peut plaire à un public. Donc c'est évident que c'est très important. Le mot de la fin pour les fans, s'il te plaît. Alors pour ce qui est du mot de la fin pour les fans, et bah déjà un, c'est super s'il y a des fans. Bah que je suis pressé de les voir sur scène, parce qu'en fait c'est vraiment ça le meilleur trip, quoi. C'est de jouer et puis de voir que ça résonne dans les yeux des gens qui sont en face, quoi, et qui chantent avec nous. C'est vraiment ça le truc. Donc ce que je peux leur dire, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire, c'est de venir et se déplacer au prochain concert. Dès qu'on a la date, on passe le message à sinsever.com et partout, et puis surtout qu'ils viennent en grand nombre, quoi, parce que nous on fait ça vraiment pour ça. Voilà. Et ben à très bientôt, et puis merci pour tout. Comme un sentiment d'urgence, besoin d'écrire ce que je pense, avant de me dire que tu pars comme une sentence. J'ai pas vraiment réfléchi à ce que devient ma vie. De la tienne ferais-je partie, vu comme tu avances. J'ai la faiblesse de croire si tu te lasses, avant que tout casse, que tu me laisses. J'ai la faiblesse de croire si tu te lasses, avant qu'on se blesse, que tu me laisses sur place. Je sais très bien faire semblant, sentiment transparent. On parlera de projets en sachant pertinemment que l'autre n'y est pas nommé volontairement. Sur place. succès. Moi qui n'ai jamais su être rien de moins qu'un nez. Quand on a mes pas de gris, rien de moins qu'un nez. Faut pas s'étonner. J'ai la faiblesse de croire si tu te lasses avant que tout casse, que tu me laisses. J'ai la faiblesse de croire si tu te lasses avant qu'on se blesse, que tu me laisses sur place, qu'on se blesse, qu'on se lasse, que tout casse. Bouge pas, Synthsaver revient. MillenniumMusic.com, un nouveau regard sur le monde musical numérique. Vous désirez vous faire connaître, vous faire aider, contactez-nous. MillenniumMusic.com. Pour le 21 juin, Synthsaver.com lance un concours où vous pourrez gagner des centaines de CD. On ne vous en dit pas plus pour le moment, à vous de rester connecté sur le site www.synthsaver.com et surtout, bonne fête de la musique. Eureka63.com, qui est une web radio live en direct, permet la publicité de jeunes artistes et de jeunes groupes qui ne sont pas encore protégés. Attention, c'est hyper important pour des raisons de droit. Vous pouvez dialoguer en direct avec l'animateur par téléphone et vous pourrez ainsi répondre à des questions que vous poseront les auditeurs par le biais d'un chat et d'un forum. Synthsaver.com. Voilà, c'était donc l'interview de Aymeric Charnot que vous avez pu découvrir avec deux titres. Le premier était Chez elle, le deuxième c'était Faiblesse. Et bon, on va pas s'arrêter là, on va continuer l'émission, Fabien. On continue l'émission avec un groupe qui s'appelle Twice, groupe qui a été en tournée nationale en automne 2000 par l'intermédiaire des forums Fnac. Ils ont joué dans des grandes villes comme Cergy-Pontoise, Nancy, Lyon, Rennes et beaucoup d'autres. Et on vous les fait découvrir tout de suite. Oh my God. S'intéresse à mes jours avant que je ne me jette du haut de ces tours. Wow, wow, wow. Oula. Ah, Laurent, tu ne serais pas un petit peu mélangé là? Laurent, les deux mains gauches, vous connaissez? Non, c'est parce que j'ai les doigts scotchés. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai les doigts scotchés, je suis en train de manger, j'en ai plein ma bouche. Évidemment. Bon, c'était le groupe Moi Jeu avec un titre J'ai beau chercher. Si vous voulez découvrir beaucoup plus le groupe Moi Jeu, là c'était un titre qui était enregistré en live au New Morning quand même. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Moi Jeu, eh ben il y a le site internet www.moijeurock.fr.st. Formidable. Et bien sûr toutes les infos que vous pouvez retrouver sur tous les groupes que vous avez écoutés aujourd'hui sur le site sinsaver.com. J'ai une info aussi à vous donner. Ah on t'écoute là. C'est l'éventuelle programmation de la prochaine émission. Oh. Alors qu'est-ce qu'on va écouter la prochaine fois? Nous avons tellement de groupes maintenant que nous commençons à préparer tout ça en avance. Ah. Et la prochaine fois nous aurons Angel, sûrement Aral 3 et In The Bocal que nous avons déjà eu dans les émissions 1 et 2. On l'a dit, ouais, on l'a déjà pas mal écouté lui. Hein. Axel Project avec peut-être un interview, mais ça on attend encore une confirmation. Donc on n'est pas Edels, Syndrome. Et The Oyster Bed Monster. Oh. Alors je vais laisser Christophe prononcer cet artiste parce que personnellement moi en anglais voyelou. Hein. Tu veux que je le dise en arabe? Ouais, non non. À la fin, là. Alors c'est The Oyster. Alors, oyster, c'est dire huître, hein. Bed, bomba bed, comme un gros bed. Hein. Et puis monster, comme monster. Ah. Hein. Donc c'est les cigarettes des huîtres monstrueuses, d'accord. Voilà. Bon bah si on devait si on devait faire la traduction de Sinsaver, c'est pas forcément mieux. Les cigarettes qui font rire. Ah oui, les cigarettes qui font rire des monstres huîtres monstrueuses, d'accord. OK, bon bah voilà, je crois que l'émission est terminée pour aujourd'hui et pour même ce mois-ci. On a commencé déjà. Oui, effectivement, puisque nous arrivons quasiment à 45 minutes d'émission. Formidable. Ouais. Fabien, je te dis au revoir. Oui, moi je vous dis au revoir à tous, à dans un mois pour la 7ème émission du www.sinsaver.com. Salut à tous. Salut Christophe. Salut. Sur sinsaver.com, vous pouvez retrouver du rock, de la disco, du groove. De la dance. De la house. Du rap. Mais sinsaver.com, c'est votre musique.